papier. Avoue que tu as menti. Et comment signerai-je lorsque mes mains sont liées? On va t'enlever tes chaînes. Il y a d'autres chaînes plus fortes qui me retiennent. Et quelles chaînes plus fortes? Plus fortes que les chaînes de fer, les chaînes de l'amour. C'est l'amour qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. C'est la vérité qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. Je ne peux pas mentir.